LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Ces femmes qu'il a aimées de manière très diverse, ce sont des femmes qui n'avaient pas peur de la vie et de courir des risques, qui se sont engagées, qui d'une certaine manière contribuent aussi à créer autour de la figure de Kafka un halo posthume de courage. Chacune des femmes qu'il a rencontrées porte une partie du destin juif et du destin européen. Milena Morta Ravensbrück, Dora qui porte la mémoire du Yiddish en Angleterre, Félix qui, après s'être réfugié en Suisse, gagne les États-Unis et donc se sauve. Tout est là. L'amour et l'écriture, chez lui, sont une même chose. Sont le lieu d'un drame où il s'agirait de substituer à la loi quelque chose d'autre qui n'a pas de nom, qui ne peut que s'écrire et se consumer en s'adressant à quelqu'un d'autre, en l'occurrence à une femme. Kafka, quatre femmes. Felice, Milena, Dora, Otla. Une série documentaire de Ruth Zilbermann, réalisée par Julie Béressy. Troisième épisode, Dora Diamant, sur le seuil du bonheur. Quand nous étions seuls, raconte Dora Diamant à propos de ses jours passés avec Franz Kafka, il aimait lire à haute voix des contes de Grimm, d'Andersen, Le Chamour de Hoffmann ou encore du Hebel. Il y avait en particulier ce conte qui racontait l'histoire d'une jeune fille amoureuse d'un mineur. Mais un éboulement a lieu et le corps de son fiancé n'est jamais retrouvé. La vie passe, la jeune fille vieillit, ses cheveux deviennent gris, jusqu'à ce qu'un jour le corps du fiancé soit découvert au fond de la mine, intact, préservé. La jeune fille devenue vieille enlace le corps du fiancé retrouvé. Elle l'avait attendu toutes ces années et c'est à la fois un mariage et des funérailles qui ont lieu. Kafka aimait cette histoire pour ce qu'il appelait son intégrité. Un mariage et des funérailles mêlées. Peut-être est-ce tout le sens du miracle des derniers mois de la vie de Kafka. Sa rencontre avec Dora Diamant, jeune juive de Pologne réfugiée à Berlin. Elle s'y occupe d'enfants au foyer populaire juif, ce même foyer où Kafka engageait autrefois sa fiancée Felice Bauer à travailler. Dora, incarnation de ce judaïsme de l'Est qui était pour Kafka depuis sa rencontre avec une troupe de théâtre yiddish en 1912, un objet central de fascination et de réflexion, l'expression à ses yeux non pas tant d'une foi que d'une identité authentique, tout entière inscrite dans les formes concrètes de l'existence. C'est à l'été 1923, sur les bords de la Baltique, que Dora, visage intense et yeux sombres, rencontre Kafka. Elle a 25 ans, il en a 40. Pourquoi Kafka fit-il sur moi une telle impression? Je venais de l'Est, ressemblais à une sombre créature vouée aux rêves et aux prémonitions dignes d'un roman de Dostoïevski. J'ai fui l'Est parce que je pensais que la lumière était à l'Ouest. Mais de plus en plus, j'avais le sentiment que les hommes avaient besoin de quelque chose que je pouvais leur donner. L'Europe de l'Ouest avait déçu mes espérances. Trop d'inquiétudes agitaient le cœur des hommes. Il leur manquait quelque chose. À l'Est, on comprenait ce qu'était un être humain. Sans doute ne pouvait-on pas s'émouvoir avec autant de liberté dans la société, ou s'y exprimer aussi facilement. En revanche, on n'ignorait pas l'unité de l'homme et de l'univers. Quand j'en rencontrais Kafka pour la première fois, je compris qu'il correspondait à l'idée que je me faisais de l'homme. Kafka m'accorda toute son attention, comme si je correspondais à une attente. La dernière année de sa vie, à l'époque sans doute la plus difficile sur le plan de sa condition matérielle et sanitaire, puisqu'il est, pour ainsi dire, mourant. Philippe Zahr, professeur de littérature comparée. Donc on ne peut pas faire pire matériellement, mais si on doit être romantique une fois dans cette émission, on peut dire que d'une certaine manière, il y a une bonne fée qu'il rencontre, une sorte de providence qui vient vers lui et qui est Dora. In the summer of 1923, Cathy Diamant, biographe de Dora Diamant. Franz Kafka. À l'été 1923, Kafka souffrait de plus en plus à cause de la tuberculose et il a entamé une cure au bord de la mer Baltique, à Müritz. Il était avec sa sœur et les deux enfants de celle-ci. Dora Diamant était elle aussi à Müritz. Elle travaillait pour la colonie du foyer juif de Berlin, qui accueillait des enfants réfugiés, des enfants venus d'Europe de l'Est pendant la Première Guerre mondiale et qui vivaient dans des conditions misérables à Berlin. Dora était la cuisinière de la colonie et elle s'occupait aussi des enfants. Depuis la chambre de son hôtel, Kafka entendait les rires de ses enfants sur la plage. Cela lui procurait beaucoup de joie. Je vois les enfants jouer à travers les arbres. Des enfants gais, sains, passionnés. Des juifs de l'Est, sauvés du danger berlinois par des juifs de l'Ouest. La moitié du jour et de la nuit, la maison, la forêt et la plage sont pleines de chansons. Quand je suis parmi eux, je ne suis pas heureux, mais sur le seuil du bonheur. Dora l'avait remarqué sur la plage et immédiatement, elle avait été captivée par lui. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war als Schriftsteller ziemlich resigniert. Rainer Stach, biographe de Franz Kafka. En tant qu'écrivain, je crois qu'il était plutôt résigné à cette époque, parce qu'il n'avait pas réussi à achever le plus grand projet de sa vie, son roman Le Château. Il devait donc se voir comme un auteur raté. C'était la troisième fois qu'il essayait d'écrire un roman, et cette dernière tentative, elle aussi, n'a abouti qu'à un grand fragment. Ça doit être une expérience amère. Mais il a continué à travailler malgré tout. En tant que patient, il se trouvait dans une situation difficile, parce qu'il était déjà très affaibli, surtout à cause de la fièvre constante. Il en avait toujours, une fièvre légère mais constante, au point qu'on ne pouvait pas le laisser voyager seul. Il fallait toujours qu'il soit accompagné. Et c'est comme ça qu'à l'été 1923, il a rejoint sa sœur Ellie et sa famille. Quelques jours plus tard, Dora était dans la cuisine en train de vider des poissons. Tout à coup, un homme arrive dans la cuisine et c'était l'homme de la plage auquel elle n'arrêtait pas de penser. Et voilà qu'il était là, devant elle. Il avait été invité à dîner avec les enfants du foyer juif, s'était perdu et il était arrivé par erreur dans la cuisine. Les premiers mots qu'il lui a dit ont été « des mains aussi tendres pour un travail si sanglant ». Et c'est comme ça que l'histoire d'amour a commencé, autour de poissons morts. Donc, il a été invité à une soirée de Shabbat du foyer juif, lui qui n'est pas pratiquant du tout et qui, au sein de sa famille, n'était pas spécialement intéressé par le rite. Carole Kazenitzer-Materon, maître de conférence en littérature comparée. Et lorsqu'il vient à cette soirée, il va rencontrer une jeune femme dans la cuisine qui est en train de vider des poissons et qui a les mains sanguinolentes et qui tient un couteau à la main. Bon, une image quand même qui participe d'un imaginaire de la castration qui est assez familier chez Kafka. Et c'est ainsi que se noue la relation à Dora, sous son jour le plus effrayant, puisqu'il y a toujours cet imaginaire double chez Kafka, quelque chose d'effrayant et quelque chose de réconfortant. À la fin de la soirée, il lui a demandé de lire en hébreu des extraits du livre d'Isaïe dans la Bible. Lui-même étudiait l'hébreu, mais Dora le lisait et le parlait couramment. Il a été fasciné par la manière dont elle lisait, dont elle interprétait chaque mot, par sa connaissance de la langue. Et Dora, à qui l'on a demandé plus tard les raisons pour lesquelles Kafka lui avait fait une si forte impression, répondait qu'il lui était apparu comme l'incarnation de ce qu'était un authentique être humain. Elle racontait l'anecdote suivante. Quand le dîner s'est achevé ce soir-là, ce premier soir, un petit garçon a glissé et est tombé par terre. Tous les autres gamins étaient sur le point d'éclater de rire, mais Kafka les a pris de court en disant au petit garçon « Comme tu es bien tombé et avec quelle grâce tu t'es relevé !» Dora a vu comment il avait sauvé l'enfant de la honte, de l'humiliation. Et elle a compris combien Kafka essayait de sauver chacun, chaque chose. Seul lui ne pouvait pas l'être. Dès les premières conversations avec Dora, il a remarqué que leurs centres d'intérêt se complétaient. Kafka voulait en savoir plus sur le judaïsme de l'Est. Pas seulement sur les gens, mais sur leur tradition, la tradition orale, leur culture, leurs pratiques religieuses, toutes sortes de choses. Réciproquement, Dora était très curieuse de la culture occidentale. Et là, c'était Kafka l'expert. Il pouvait lui en apprendre beaucoup sur la littérature allemande, la littérature anglaise, etc. Il lui a parlé de Flaubert, de la culture occidentale en amont. Il se complétait donc merveilleusement. Pour lui, c'était une situation incroyablement stimulante qu'il n'avait plus espéré vivre, résigné comme il l'était. Ça l'a immédiatement tiré de sa résignation. Alors, il y a l'origine de Dora, celle des communautés chassidiques de Pologne. Il y a le fait que Dora ait quitté ces communautés religieuses pour rejoindre un judaïsme séculier. Le fait qu'elle soit yiddishophone, et on sait que Kafka a rêvé la langue yiddish, qu'il n'a jamais parlé, mais qu'il comprenait à moitié, hein, dans une sorte d'inquiétante étrangeté linguistique. Elle était également hébraïsante. Et Kafka, depuis 1917, apprenait l'hébreu assidûment, au point de le maîtriser convenablement, au point même de lire, semble-t-il, des livres entiers en hébreu. Donc, le yiddish, l'hébreu, qui sont, au moins en théorie, deux langues qui se faisaient encore un peu la guerre dans l'imaginaire juif à l'époque. Et Kafka n'a jamais, lui, considéré ces deux langues comme incompatibles ou comme adversaires. Il les a prises toutes les deux. Et puis aussi, affectivement, c'était une très jeune femme par rapport à lui. Elle avait 24 ans, il en avait 40. Kafka a toujours eu une attirance pour les jeunes femmes. Il y a là quelque chose qui se boucle. 1911, c'était la troupe de théâtre yiddish, la découverte du judaïsme de l'Est par Kafka. Et 1923-1924, c'est cette Dora Diamant qui vient de ce même milieu, mais cette fois sous la forme d'une femme, d'une jeune fille moderne, aimante, etc. C'est comme si, en effet, tout se recomposait au dernier moment. She was born in Pabianitsa in 1898. Elle était née en 1898 à Pabianice, en Pologne, dans une famille juive orthodoxe. Son père était un disciple du rabbi de Guerre, un groupe hassidique très orthodoxe. Toute la vie de Dora s'organisait donc autour de la religion. Sa mère est morte quand Dora avait 12 ans, et toute la famille s'est alors installée à Cracovie. Elle y a grandi en croyant qu'elle était uniquement destinée à se marier, à avoir des enfants, et que jamais elle ne pourrait avoir une vie autonome et pleine. Mais elle avait entendu dire que les choses étaient différentes à l'Ouest, que là, les filles pouvaient étudier, qu'elles pouvaient choisir de ne pas se marier. C'est bien pour ça qu'elle a décidé de partir en Palestine, aider à y construire un foyer national juif. C'est ce qu'elle voulait faire. Elle s'est enfuie une première fois jusqu'à Wrocław, mais son père l'a retrouvée et l'a ramenée avec lui. Elle s'est enfuie à nouveau, cette fois pour Berlin. Et là, son père a décidé de s'en laver les mains et a interdit à quiconque dans la famille d'entrer en relation avec elle. Elle était morte pour lui. Donc elle s'est vraiment rebellée contre son père. Et je pense que c'est l'une des choses qui a le plus attiré Kafka, qu'elle ait pu comme ça s'élever contre son père pour vivre la vie qu'elle voulait mener et non celle que son père avait décidé qu'elle mènerait. Bien qu'elle soit de 15 ans plus jeune que Kafka, elle était déjà parvenue à se libérer de ce poids alors que lui luttait toujours, jusqu'au moment où il a enfin réussi à partir pour Berlin à l'automne 1923. Il était parfaitement clair, et Kafka l'a su dès le premier jour ou presque, que s'il voulait encore avoir une chance de quitter Prague, ce serait avec l'aide de cette femme. Il en a bien sûr parlé à Dora. Elle lui a demandé qui se trouvait à Prague et quelle vie il menait. Et il a tout de suite répondu « Je vis à Prague en permanence, mais je veux partir. Berlin a toujours été mon rêve. » On peut être sûr qu'il le lui a dit. Ce n'est pas possible autrement. Ou du moins, on ne peut pas expliquer autrement que Dora ait été prête, dès le premier jour, à l'aider à faire le grand saut. Il est ensuite reparti 2 semaines à Schellessen, une petite ville où il avait déjà fait une cure, pour réfléchir précisément à ce qu'il devait faire. Il est resté en contact avec Dora, évidemment. Kafka a lutté contre lui-même, et ce n'est qu'au moment où il s'est dit, de retour à Prague, « Je peux le faire, j'en suis capable », qu'il a acheté son billet pour le lendemain. Kafka a dit à ses parents, « Au fait, demain je pars à Berlin ». C'était évidemment absurde, et tout le monde a essayé de l'en dissuader. « Tu es fou, à Berlin il y a l'hyperinflation, de quoi veux-tu vivre ?» Les gens se battent dans le centre de Berlin, il y a une espèce de révolte. Brod, par exemple, a dit « Aller à Berlin, mais tu es fou, tu dois aller dans un sanatorium ». Brod était pragmatique, comme les parents. Mais c'est là qu'entre en jeu cette obstination typique de Kafka. Et qu'on remarque la ressemblance entre Franz et sa sœur Otla. Ils étaient tous les deux têtus. Lorsqu'ils avaient décidé quelque chose, ils s'y tenaient jusqu'au bout, jusqu'à la dernière conséquence. Franz était comme ça, lui aussi. Dans ma situation, aller à Berlin est d'une audace folle. On ne peut trouver de point de comparaison qu'en feuilletant l'histoire du passé, disons la campagne de Russie de Napoléon. D'abord un assaut de toutes les angoisses que j'ai, et aussi forte que ces angoisses-là, aucune armée de l'histoire mondiale ne l'a été. Après avoir mangé et sommeillé un quart d'heure, j'ai passé le reste de la nuit à rédiger un télégramme annulant la location de ma chambre à Berlin et à me désespérer de le faire. Mais le matin, toujours, je ne suis pas tombé en me levant et je suis parti, affectueusement querellé par père, regardé tristement par mère. C'était un pas énorme pour lui, et il y est arrivé parce qu'il savait que Dora serait là pour l'aider. Il n'était pas complètement démuni, mais il avait quand même l'habitude que beaucoup de choses soient prises en charge pour lui. Et Dora saurait s'occuper de ce qu'il n'arrivait pas à faire tout seul. C'est elle qui a trouvé un appartement, qui a tout organisé. Je ne crois pas qu'il avait vraiment conscience de ce qui se jouait à Berlin à cette période. L'hyperinflation n'avait pas encore pris toute son ampleur. Personne ne pouvait s'imaginer ce qui se passait avec la monnaie fin 1923, qu'il fallait des milliards de marques pour acheter du pain. Mais Kafka était vraiment heureux de quitter Prague. Et par la suite, il a toujours veillé à ce que les deux mondes restent séparés. Prague et Berlin, deux mondes. Il ne voulait pas recevoir beaucoup de visiteurs de Prague. Il ne voulait pas que Dora rencontre les membres de sa famille, et encore moins ses parents. Le monde de Prague, ou plus exactement, les fantômes de Prague, ne doivent pas venir à Berlin. Ils ont vécu ensemble. Elle avait gardé une chambre au foyer juif de Berlin, où elle continuait de travailler, mais ils ont évidemment vécu ensemble. Dans un premier appartement, puis dans un autre, dans la Grunewaldstraße. Nous nous trouvons maintenant devant le seul bâtiment encore debout où Kafka a vécu à Berlin. Il a habité 3 appartements différents au total, mais les 2 autres bâtiments ont été détruits. C'est donc le 13 Grunewaldstraße, un immeuble de 3 étages. Kafka habitait au premier avec Dora, côté jardin, donc avec vue non sur la rue mais plutôt vers l'arrière. Il faut préciser que si nous entendons en fond tout ce bruit, cette circulation, ce n'était évidemment pas le cas à l'époque. C'était une rue très très paisible. À l'époque, c'était en quelque sorte la périphérie de Berlin. Steglitz était un faubourg. Et Kafka disait toujours, en fait c'est une ville-jardin. Donc c'est très bon pour ma santé. De l'autre côté de la rue, il y avait des villas avec de grands terrains, ce qui explique que Kafka ait parlé de cité-jardin. Et si on va un peu plus loin, si on s'éloigne du centre de Berlin, on arrive à un jardin botanique qui existait déjà à l'époque, une distance que Kafka pouvait encore tout juste parcourir avec le peu de force qui lui restait. C'est là, dans ce jardin botanique, qu'il aimait passer du temps quand il faisait beau. Il prenait un cahier et écrivait. Où il lisait un livre. Lorsque je sors de la maison par ces soirées tièdes, des bouffées me viennent des vieux jardins luxuriants, avec une douceur et une force que je crois n'avoir jamais senti nulle part. Et jusqu'à présent, tout le reste est à l'avenant. De la maison à la rue principale de Steglitz, la distance est d'à peu près 400 mètres. Quand Kafka était en bonne santé, il se rendait dans cette rue, la Schlossstraße, la rue du château, comme par hasard. Il allait soit y faire des petites courses, acheter son lait et ses œufs par exemple, soit y lire le journal, directement sur le présentoir. Il y avait un quotidien, le Steglitz Tagblatt. Mais il ne pouvait pas se payer un journal, un abonnement. Il percevait partout la présence de la folie et de la déchéance. Il arpentait les rues de Berlin en observant avec effroi les mendiants, les invalides, les enfants affamés et les vieilles personnes désespérées, victimes misérables de l'inflation, demandant l'aumône devant les vitrines des grands magasins. Il n'essayait pas de s'en protéger. Un jour, que nous nous promenions, nous vîmes une petite fille. Elle paraissait tout à fait désespérée. Nous lui parlâmes. Franz l'interrogea et nous apprîmes qu'elle avait perdu sa poupée. Aussitôt, il inventa une histoire assez plausible pour expliquer cette disparition. Ta poupée est simplement en voyage. Je le sais. Elle a écrit une lettre. La fillette est un peu soupçonneuse. Tu l'as sur toi ? Non, je l'ai oublié chez moi, mais je te l'apporterai demain matin. Intriguée, la petite fille a déjà à moitié oublié son chagrin. Franz rentre aussitôt à la maison pour écrire la lettre, et il se met au travail avec la même gravité que pour composer une œuvre, dans ce même état de tension qu'il retrouvait dès qu'il était à sa table. Le lendemain, il court apporter la lettre à la petite fille qui l'attendait dans le parc. Comme elle ne savait pas lire, il lui lut la lettre à haute voix. La poupée déclarait qu'elle était lasse de toujours vivre dans la même famille, exprimait son envie de changer d'air, en un mot de s'éloigner d'elle, petite fille qu'elle aimait bien, certes, mais dont elle désirait se séparer un peu. Elle promettait d'écrire chaque jour, et de fait, Kafka écrivit chaque jour une lettre relatant des aventures sans cesse nouvelles. Au bout de quelques jours, l'enfant avait oublié la perte réelle de son jouet et ne pensait plus qu'à la fiction qu'on lui avait offerte en échange. La poupée avait grandi, fréquentait l'école, connue d'autres personnes. Toujours elle assurait l'enfant de son amour, mais faisait allusion à la complication de sa vie, à d'autres devoirs, à d'autres intérêts qui lui interdisaient pour l'instant de reprendre la vie commune. La petite fille était invitée à réfléchir là-dessus et préparée au renoncement inévitable. Le jeu dura au moins 3 semaines et Franz se sentit terriblement angoissé à la pensée d'y mettre fin, car il fallait que la fin fût juste, c'est-à-dire capable de substituer l'ordre au désordre provoqué par la perte du jouet. Il chercha longtemps et décida finalement de marier la poupée. Il décrivit d'abord le jeune homme, les fiançailles, les préparatifs de noces, puis dans tous les détails la maison des jeunes mariés. « Tu comprendras toi-même, disait la poupée, que nous devrons désormais renoncer à nous voir. » Franz avait résolu un petit conflit d'enfant par l'art, le moyen le plus efficace dont il disposait personnellement pour mettre de l'ordre dans le monde. Il a aussi vécu des épisodes désagréables. Il en raconte un dans une lettre. Kafka est assis sur un banc, sans doute dans ce fameux parc. Passe alors un groupe de jeunes filles. Et l'une d'entre elles crie à Kafka quelque chose qu'il ne comprend pas aussitôt. Toute la bande se met à rire, et Kafka s'imagine qu'elle a dit quelque chose de gentil, et il adresse un signe amical en retour. Ce n'est qu'après qu'elles sont parties qu'il comprend « juif ». Elle lui a crié « juif », et ce n'était sûrement pas un compliment pour elle. Dora cuisinait et faisait les courses pour lui. Et ensemble, ils allaient dans cet institut supérieur d'études juives. C'était ici à Berlin, dans le quartier Schonenviertel. Kafka accompagne Dora dans cet institut à plusieurs reprises pour suivre des cours de Talmud. Dora se consacrant davantage à la halakha, la loi, la législation, et Kafka à la Haggada, c'est-à-dire tout le domaine narratif. C'est peut-être aussi ce qui reliait Kafka à Dora, c'est-à-dire finalement ce lien à une tradition qu'il faut faire vivre, qu'il faut incarner par la voix, par le corps, par sans doute aussi des formes de rituels, par une religiosité laïque, c'est-à-dire qu'elle qui a été élevée dans la religion, elle a transféré cette foi qu'elle avait, elle l'a transférée d'abord dans la personne même de Kafka, qu'elle vénère à l'égal d'une sorte de religion. Sa journée était planifiée heure par heure et toujours en fonction de son travail d'écrivain. Dans ses promenades, il amenait toujours avec lui un petit calepin et s'il oubliait, il en achetait un autre en chemin. Pour Kafka, l'écriture était vitale, absolument vitale. C'était sa respiration. Je ne pense pas que ces phases d'abattement étaient un trait dominant chez lui, sauf lorsqu'il se mettait à écrire. À ce moment-là, il se promenait d'un pas lourd, hésitant. Il parlait peu, mangeait sans appétit, ne s'intéressait à rien, était très abattu. Il voulait être seul. D'ordinaire, il manifestait l'intérêt le plus vif pour les choses les plus banales. Mais ces jours-là, cet intérêt disparaissait complètement. Je ne peux distinguer ces journées qu'en les comparant à des couleurs. Il y avait des jours violets, vert sombre ou bleu. Finalement, il s'est mis à aimer que je reste avec lui dans la pièce pendant qu'il écrivait. Il avait autrefois décrit dans une lettre son lieu idéal pour écrire. Ce serait une chambre tout au bout d'une grande cave, fermée par une porte, au pied de laquelle on déposerait son déjeuner. Il y serait dans le silence et la solitude les plus complètes. Mais avec Dora, il voulait qu'elle soit à ses côtés dans la chambre pendant qu'il écrivait. Un soir, à l'heure qu'il écrivait après le dîner, je m'endormis sur le sofa. Tout à coup, il était assis à mes côtés. Je me réveillais et le regardais. Un changement était intervenu sur son visage. L'attention spirituelle y avait laissé des traces si évidentes qu'elle l'avait totalement métamorphosé. Il me lisait souvent ce qu'il avait écrit sans analyse, sans explication. De temps à autre, il disait « Ai-je échappé au fantôme ?» Je me le demande. Il parlait des fantômes toujours avec le sourire de complicité d'un gosse malin qui évoquait les anciens croque-mitaines. C'est à cette époque qu'il a écrit le récit Le Terrier. C'est un texte très tardif qui date de l'hiver 1923-1924. Et il en a parlé avec elle. C'est un grand fragment. Je crois qu'il manque une ou deux pages au manuscrit pour que le récit soit complet. Et Dora a demandé à Kafka ce qu'il signifiait. Car il parle d'un labyrinthe souterrain et il est question d'une place principale. J'ai sous la terre une place principale et de cette place principale partent les différents couloirs. Dora lui a donc demandé ce que ça voulait dire. Et Kafka a répondu, la place principale, c'est toi. Hélas, il y a encore une grande lacune dans nos connaissances, car nous ne savons pas grand-chose des années 1923-1924. À Berlin, Kafka utilisait de petits carnets de notes. Par la suite, Dora a dit qu'il y en avait une vingtaine. Nous ne savons pas exactement si c'était des journaux intimes ou des fragments littéraires. Après la mort de Kafka, Max Brod a collecté des manuscrits chez tous ses amis, des lettres et ainsi de suite. Et il a aussi demandé à Dora, « As-tu encore des écrits de Franz ?» Elle lui a répondu, « Non, Franz a tout brûlé. » Ou alors il m'a demandé de brûler. Il y a aussi des manuscrits que j'ai détruits sous ses yeux. Malheureusement, ce n'était pas vrai. Ces 20 cahiers existaient encore, ainsi que les lettres de Kafka à Dora, évidemment. Tous ces papiers étaient encore là, et elle ne les a pas remis à Max Brod. Et c'est comme ça qu'ils se sont perdus, car la Gestapo a tout saisi en 1933 dans l'appartement de Dora, aussi bien les cahiers que les lettres. Si nous avions ces 20 cahiers, nous en saurions sans doute bien davantage sur la transformation, ou plutôt sur l'évolution littéraire de Kafka, sur ses projets d'œuvres futures. C'est vraiment dommage, et c'est notre plus grande perte en ce qui concerne ses écrits. Dora était désireuse de pénétrer à ses côtés dans ce que Kafka appelait les nuages de la nébulosité. Elle racontait de son côté que Kafka faisait un jeu de tout, ouvrir une lettre, servir le dîner, et elle jouait avec lui. Je pense que ça a été pour lui une grande source de réconfort et de joie. Dès qu'il parlait, ses yeux s'éclairaient d'une étincelle d'humour où perçait moins l'ironie que la malice. Il avait une façon enjouée de parler aussi imagée que ses écrits. Ses poignets étaient minces, ses doigts longs et aériens donnaient forme aux histoires qu'il racontait. C'était une façon de s'exprimer comme s'il peignait les mots en musique avec ses doigts. Elle raconte qu'ils jouaient beaucoup tous les deux avec l'idée de quitter Berlin pour la Palestine afin d'y commencer une nouvelle vie. Dora avait prévu d'y aller, Kafka aussi, et ils ont donc imaginé qu'ils pourraient y aller tous les deux. Ils imaginaient des scénarios d'une vie possible à Tel Aviv, où ils ouvriraient un restaurant. Dora serait la cuisinière et Kafka serait le serveur. Dora raconte qu'il voulait être serveur parce que c'était une bonne place pour être au milieu de la vie et pouvoir tout observer en toute discrétion. Il aimait jouer au serveur avec le plus grand sérieux. Il faisait semblant d'avoir toute une salle à servir et le jeu pouvait durer un quart d'heure alors que leur repas refroidissait. On se souvient que lors de sa première rencontre avec Félice, le voyage en Palestine faisait déjà partie de l'attirance du coup de foudre pour Félice. Avec Dora, ça va se rejouer, mais de façon bien sûr beaucoup plus désespérée, puisque Kafka sait bien sûr qu'il est hors d'état de voyager. Et c'est un jeu parmi d'autres. Je ne pense pas que Kafka ait jamais songé à la possibilité concrète de réaliser ce rêve. Je voulais aller au mois d'octobre en Palestine. Nous en parlions. Naturellement, nous n'y serions jamais allés. C'était une fantaisie comme peut en avoir quelqu'un qui est convaincu qu'il ne quittera jamais son lit. Tant qu'à ne pas quitter son lit, pourquoi ne pas aller au moins en Palestine ? La situation est devenue dramatique au printemps 1924, quand la tuberculose a attaqué le larynx. Au début, elle n'affectait que les poumons. Mais alors, Kafka s'est mis à avoir des douleurs dans la gorge, surtout quand il parlait, quand il voulait manger ou boire. Par ailleurs, il continuait à perdre du poids, beaucoup de poids. Et quand ses parents ont compris que Franz ne se rétablirait pas, ou du moins qu'il était dans un état plus grave que l'année précédente, ils ont demandé à son oncle Siegfried Löwy, le fameux médecin de campagne, de se rendre à Berlin pour voir comment il se portait. En arrivant là-bas, Siegfried Löwy a été complètement horrifié par ce qu'il a découvert. Il a à peine reconnu Franz et lui a dit « Tu dois immédiatement quitter cette ville, aller dans un sanatorium, de toute urgence. » Kafka s'est alors rendu dans une clinique viennoise spécialisée dans les maladies de la gorge, celle du professeur Hayek, qui avait opéré Sigmund Freud un ou deux ans avant, je crois, chez un excellent spécialiste donc. Là, Kafka s'est retrouvé dans une chambre commune avec beaucoup d'autres patients, ce qui l'a rendu très malheureux. Dora était là en permanence. Hayek a dit à Kafka, « Nous sommes vraiment désolés, docteur Kafka, mais votre état est tellement dégradé, il s'agissait surtout de son poids, qu'une opération est très risquée pour le moment. Nous ne pouvons pas l'autoriser. » Il voulait vraiment vivre. Il a écrit un jour qu'un homme ne se connaît vraiment que quand il est en train de mourir ou quand il aime. Et Kafka vivait ces deux choses à la fois. Je crois que dans ces derniers mois, il a vécu aussi pleinement que pendant toutes ces 40 années déjà écoulées. Kafka a alors écrit une lettre au père de Dora, lui demandant la permission d'épouser sa fille. Il y disait qu'il n'était pas un juif pratiquant, mais qu'il cherchait à retourner vers le judaïsme. Max Brod rendait visite à Kafka et Dora le jour où la réponse du père de Dora est arrivée. C'était un seul mot. Non. Je ne crois pas, si Kafka avait vécu, que cela les aurait empêchés de se marier. Cela n'aurait certainement pas arrêté Dora. Kafka n'a pas tenu longtemps dans cette clinique. Quand il a compris que les médecins ne voulaient pas l'opérer, il a demandé à Dora, « S'il te plaît, sors-moi d'ici. Trouve-moi un endroit paisible, une petite pension ou quelque chose comme ça. » Et il a trouvé cette petite clinique privée à Kierling. C'était le mois d'avril. Il pleuvait, il faisait froid. Et le voyage en calèche vers Kierling a duré plusieurs heures, pendant lesquelles Dora s'est tenue devant lui en le protégeant de la pluie et du vent avec son propre corps. D'un côté, Dora devait répondre aux questions des parents. Comment va Franz? Y a-t-il une amélioration en vue? Et que disent les médecins, etc. Et elle n'avait pas le droit de révéler la vérité aux parents. Mais d'autre part, elle devait dire, il nous faut de l'argent, parce que nous avons besoin de plus de spécialistes. En parallèle, Dora a essayé de trouver des médecins alternatifs, un naturopathe, un médecin anthroposophe. Elle a tout mis en œuvre pour que Franz ait une chance. Elle s'est donc occupée de l'argent, de la correspondance, de l'organisation, de tout. Elle a tout fait. Elle a cuisiné aussi. C'est incroyable en réalité. Elle n'avait plus de vie, on pourrait dire. Plus de vie à elle. Rien de changé. Grâce aux injections, il dort un peu. Mon seul souhait est qu'il ne souffre pas. La médecine n'a plus rien à lui donner. Mais je ne perds pas espoir. Franz doit vivre. Il porte en lui son salut. Et en cela, comme pour le reste, il ne peut décevoir. Puis Klopstock les a rejoints. Robert Klopstock. C'était un étudiant en médecine que Kafka avait rencontré au sanatorium de Matliari. Il avait au moins des connaissances de base en médecine, donc c'était très bien qu'il soit là avec eux. Il pouvait par exemple décider des médicaments. Il pouvait faire des injections à Kafka si nécessaire. Et ça l'a été. Car les douleurs à la gorge de Kafka sont devenues si graves pendant les deux dernières semaines que chaque fois qu'il voulait boire ou manger, il fallait au préalable anesthésier sa gorge. Quand la tuberculose a gagné le larynx, c'est devenu terrible. Il est presque littéralement mort de faim. Il ne pouvait même plus avaler une goutte d'eau. Mais même dans ces conditions, il a réussi à trouver quelques moments de paix et de joie. Il écrivait des petits papiers de conversation. Quand il n'a plus été en mesure de parler, c'est grâce à ces petits papiers qu'il communiquait. Avez-vous un instant ? Alors, s'il vous plaît, donnez de l'eau aux pivoines. Elles ont soif. Quel mal je vous donne. C'est absolument insensé. Combien d'années pourras-tu le supporter? Combien de temps pourrais-je supporter que tu le supportes? Pourquoi ne sommes-nous jamais allés dans un jardin de brasserie? Montre-moi l'encolie. Elle est de couleur trop vive pour être avec les autres. L'aubépine est trop cachée, trop dans l'ombre. Le lilas, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Il boit. En mourant, il se saoule encore. Cela n'existe pas qu'un mourant boive. Mets-moi un instant la main sur le front pour me donner du courage. Voilà comment le secours répare sans vous avoir secouru. À la fin, les douleurs étaient si fortes que Kafka a demandé à Robert Klopstock: maintenant, je veux la dose de morphine que vous m'avez promise en cas d'urgence. Il voulait qu'on l'euthanasie. Il voulait mourir parce que la douleur était tellement écrasante. Il a dit: ça n'a vraiment plus de sens. Klopstock a résisté. Je veux dire, cet homme avait 25-26 ans et voilà qu'il devait faire mourir l'écrivain qu'il vénérait. Évidemment qu'il a commencé par refuser. Alors il y a eu ce moment où Kafka soudain est devenu agressif, comme il ne l'avait jamais été. C'était tout à fait inhabituel chez lui. Il a dit à Klopstock: vous ne voulez pas le faire, alors que vous me l'avez promis, alors sortez, sortez, je mourrai comme ça. Je mourrai comme ça. Et apparemment, c'est à ce moment-là que Klopstock s'est décidé. Finalement, il l'a fait. Kafka avait dit à Klopstock: si nous le faisons, alors s'il vous plaît, éloignez Dora. Dites-lui d'acheter des fleurs ou quelque chose pour qu'elle aille au village, qu'elle s'absente quelques minutes. Comme ça, elle ne sera pas là quand vous me ferez cette injection et que je mourrai. Mais quand il a reçu la piqûre, il a dit: Dora. Dora. Dora. Alors on a envoyé chercher Dora qui était dans la rue. Dora était donc là dans les dernières minutes de sa vie, alors qu'on l'avait renvoyé juste avant. Il a quand même voulu voir son visage dans les dernières minutes. Oui, c'est une histoire vraiment terrible. Terrible. Dora était inconsolable. Elle a écrit plus tard que c'était comme l'expérience de sa propre mort. Elle ne voulait pas le laisser seul à la morgue. Elle décrit son visage. Robert Klopstock a écrit à la famille Kafka pour leur décrire la scène. Et il dit: « Seul celui qui connaît Dora peut comprendre ce que l'amour veut dire. » Kafka meurt le 3 juin 1924. Ses funérailles ont lieu quelques jours plus tard au nouveau cimetière juif de Prague. Les parents de Kafka ont invité Dora à rester avec eux à Prague. Elle y est donc allée et a demeuré chez eux au moment des funérailles. Elle y est restée environ 2 ou 3 mois après l'enterrement pour tenter de consoler les parents de la mort de leur fils unique. Kafka, quand il vivait encore, avait eu peur que son père se comporte mal avec Dora, mais en réalité, elle a été acceptée et aimée par cette famille. Après la mort de Franz, les parents ont très bien compris ce que leur fils devait à Dora. Ils savaient que Dora s'était occupée de lui de manière absolument désintéressée. Ils l'ont accueilli comme un membre de la famille. Et il y a plus. Max Brod est venu voir les parents et leur a dit « Nous devons faire un contrat. À qui appartiennent les œuvres de votre fils ?» Et il a dit « Je propose qu'on écrive dans ce contrat, vous obtenez une moitié et Dora aura l'autre moitié. » Et les parents ont signé sans hésiter. Et c'est le signe que la mort de Franz a aussi fait évoluer quelque chose dans la tête des parents. Un processus d'apprentissage. Qu'est-ce qui compte vraiment ? Pas l'origine, mais les qualités humaines. Je crois que ça s'est passé comme ça. Sinon, ils n'auraient pas signé. After that, she returned to Berlin. Elle est ensuite retournée à Berlin, où elle a cherché d'abord n'importe quel travail alimentaire. Mais elle voulait suivre aussi une formation d'actrice. Et elle a été reçue à l'école de théâtre de Düsseldorf, qui était très renommée. Mais au début des années 30, au moment de l'ascension des nazis, beaucoup d'acteurs ont commencé à monter des pièces d'agitprop. C'était une manière de se battre contre les nazis. C'est alors que Dora a adhéré au Parti communiste allemand. Elle a appliqué ses dons théâtraux à la agitprop et s'est engagée de plus en plus aux côtés des communistes. Elle a même ouvert son appartement pour qu'il accueille une école du soir marxiste. Et c'est là qu'elle a rencontré l'homme qu'elle a finalement épousé. Sa relation avec Ludwig Lask n'a pas duré très longtemps, car il a été arrêté presque immédiatement après leur mariage. Ils ont juste eu quelques années de vie intermittente ensemble. Ils luttaient ensemble contre les nazis. Il était le rédacteur en chef du Drapeau Rouge, le journal du parti, pour le district de Stieglitz où il vivait. Il publiait ce journal clandestinement avec la peur quotidienne de l'arrestation. C'était leur but commun, la base de leur mariage. Ils ont eu une fille. Son premier prénom était Franziska Mariana Lask. Franziska, c'était évidemment d'après Franz Kafka. Mais son mari était emprisonné la plupart du temps. Et finalement, il est parvenu à s'enfuir en Union soviétique en 1935. Dora, quant à elle, est parvenue à quitter Berlin pour l'Union soviétique en 1936 avec sa fille Mariana. Mais la petite a contracté une scarlatine en 1938 et il n'y avait pas de pénicilline à l'époque en Russie. Donc, pour sauver la vie de sa fille, Dora a réussi à quitter l'Union soviétique pour faire soigner Mariana en Suisse. Comment est-elle parvenue à quitter l'Union soviétique en 1938 ? C'est et cela restera un mystère total. Sachant qu'en plus, elle était l'épouse d'un homme qui avait été accusé d'être un saboteur trotskiste. Lask avait été arrêté et envoyé au goulag et elle ne l'a jamais revu. Mais elle est arrivée à quitter l'Union soviétique à un moment où c'était impossible pour quiconque. Elle devait avoir gardé son passeport allemand alors que c'était interdit et qu'on risquait la mort pour ça. Elle est arrivée jusqu'à la frontière suisse, mais elle s'est faite refouler. Elle est alors partie en Hollande et a réussi à gagner l'Angleterre, s'y est installée, a obtenu des papiers, juste une semaine avant que les Allemands envahissent la Pologne et que toutes les frontières se referment totalement partout. Elle vivait à Londres et a commencé à rencontrer des gens au sein de la communauté juive londonienne jusqu'à ce qu'en mai 1940, elle soit arrêtée en tant qu'étrangère ennemie et envoyée sur l'île de Man, où elle a été internée avec sa fille pendant un an. Et dès ce camp, elle a commencé à nourrir le projet de résister par le biais de la langue yiddish, du théâtre yiddish, des chansons yiddish. Donc avec une de ses amies, elle a fait des soirées où elle chantait en yiddish, donc pour finalement résister moralement à l'incarcération. Et ensuite, quand elle a été libérée, qu'elle a vécu pendant la guerre, elle a vécu le Blitz à Londres, donc elle a continué finalement à fréquenter des cercles yiddishistes à Londres. Hein, et donc dans Whitechapel, l'East End londonien, existait un peu comme partout des cercles de yiddishistes. Et elle connaît très bien l'un des membres de ces cercles, Stenzel, donc un poète un peu bohème, yiddish. Et comme dans tous ces cercles culturels, il y a une sorte de militantisme qui passe par la lecture de poèmes, qui passe par le théâtre également, la récitation, qui passe par le fait de faire revivre par la voix cette littérature ou ces textes ou cette langue même yiddish qui était de plus en plus désaffectée dans les années 50, en particulier après la guerre évidemment, après la Shoah. Et donc à ce moment-là, Dora, qui a été toute sa vie finalement une militante, qui était aussi une militante communiste, Dora est une militante pour la cause yiddishiste. Tout au long de ces années d'après-guerre, Dora va également devenir l'observatrice attentive, modeste et parfois ironique, de l'irrépressible mouvement qui propulse l'œuvre de son aimé au firmament de la littérature. Comme les gens m'écoutent et sont heureux quand on leur parle de France, certains en sortent transformés. Les vannes s'ouvrent en moi à mesure que je raconte. J'ai peut-être des dispositions à faire partager ce que je sais de lui. Je crois même laisser passer une sorte de ressemblance avec lui, car ceux qui m'écoutent ressentent un peu la même impression que ceux qui l'écoutaient autrefois. C'est à cette époque, à la fin des années 40, qu'elle se lie d'une indéfectible amitié avec la critique Marthe Robert, qui est en France l'une des meilleures lectrices et passeuses de l'œuvre de Kafka. J'ai dans mes archives une dizaine de lettres entre Dora et Marthe Robert. Et on voit bien le ton très amical de Dora, qui donne à Marthe son avis sur la traduction de Kafka. Elle lui conseille de ne pas être trop intellectuel, mais de le comprendre à un niveau qui ne soit pas seulement celui de l'esprit, mais celui de l'âme. Leur amitié a duré jusqu'à la mort de Dora. Sa nécrologie, écrite par Marthe Robert, est l'une des premières reconnaissances de Dora en tant que personne vraiment cruciale dans la vie de Kafka. Dora Diamant mourut à Londres le 15 août 1952. Marthe Robert écrivit alors un texte où elle célébrait celle dont la figure ne relève pas de l'histoire littéraire, pas même pour ceux qui voient sur elle un reflet de la lumière de Kafka. Elle répandait, poursuit Marthe Robert, sa lumière propre. Elle avait un peu plus de 20 ans quand elle connut Kafka, elle en avait 50 quand elle est morte, et ce n'est qu'au début de sa maladie qu'elle a commencé à écrire sur lui en tentant de comprendre vraiment ce que son extrême jeunesse lui avait permis de vivre dans l'émerveillement, sans poser de questions. Il voulait brûler tout ce qu'il avait écrit afin de libérer son âme des fantômes. Je respectais son vœu. Et alors qu'il gisait malade, j'ai brûlé certains de ses textes devant ses yeux. Ce qu'il désirait vraiment écrire devait venir après avoir gagné sa liberté. La littérature était pour lui quelque chose de sacré, d'absolu, d'incorruptible, de pur. Kafka était incertain pour beaucoup des choses de la vie. Mais en ce qui concerne la littérature, il était sans compromis. Il ne voulait qu'une seule chose, pénétrer au plus profond, et il se tenait lui-même au plus profond. Tout ne fut pas brûlé. Les lettres et les journaux conservés par Dora en secret de Franz Kafka puis de Max Brod avaient été confisqués au même titre que tous ses autres papiers par la Gestapo, lors d'une fouille de son appartement dans les années 30. Ils furent probablement, comme l'ensemble des archives de la Gestapo, envoyés à Moscou en 1945, puis à nouveau rapatriés en Allemagne après la chute du mur de Berlin. Ses lettres, ses journaux, figurent certainement parmi les dizaines de kilomètres d'archives, les quelques milliers de dossiers non encore dépouillés, conservés dans les archives d'État allemandes. When in 1993 or 4 I saw an article about stacks of papers and dans les années 90, j'ai lu un article à propos de ces piles d'archives découvertes dans des entrepôts, des bunkers, des caves et qui se trouvaient à l'est. Évidemment, il faudrait des années pour en faire l'inventaire. Mais on y trouvait des tas de choses. J'ai réalisé alors que la quête pour les papiers perdus de Kafka pouvait continuer. J'ai commencé en 1996 et cette quête se poursuit depuis. En attendant de mettre enfin la main dessus, cela reste un chapitre ouvert dans la vie de Kafka. Trois douzaines de lettres d'amour écrites par Kafka au moment le plus heureux de sa vie amoureuse qui manque toujours. Et pour comprendre qui était Kafka en tant qu'amant, en tant qu'amoureux, sans ces 35-36 lettres, le tableau restera fragmentaire. Avec Philippe Zarr, Cathy Diamant, Rainer Starr, Carole Kiazenitzer-Materon, Yannick Henel et Jean-Pierre Lefebvre. Les textes de Franz Kafka sont lus par Rainer Sievert et ceux de Dora Diamant par Dinara Drukarova, avec les voix de Laurent Lederer et Sonia Masson. Traduction, Régis Quatresous. Documentaliste Inès Barja, Annie Signoret et Antoine Villoz. Assistante de production, Ottilie Rachel. Prise de son, Alexandra Bergel, Hélène Langlois, Thomas Robin, Cédric Châtelus, Valérie Lavalard et Sébastien Royer. Mixage, Régis Nicolas. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordinatrice, Perrine Kervran. Un documentaire de Ruth Zilbermann, réalisé par Julie Béressy.